regardait avec admiration et a dit qu'elle trouvait ses cheveux très beaux. Ensuite, alors, il nous a amenés chez eux. Nous sommes restés avec sa femme, avec Lillian. Et lui, il est allé faire de la pêche dans leur petit lac. Voilà, c'est notre première rencontre. Et plus tard, alors, nous sommes tombés tous dans le cinéma, c'est-à-dire Hollywood, etc. Ça fait déjà une longue histoire. Nous n'étions pas dans le même studio. J'étais à la Warner. We are now arriving at 38th Street Station, Philadelphia. The only stop is Philadelphia. Thank you for riding in. La Moisson Rouge, je veux dire, c'est le... Bon, il y a une chose qui est sublime dans La Moisson Rouge, c'est les trois premières pages. C'est absolument inoubliable. Et je veux dire que l'apparition des trois flics, enfin des quatre flics, puis des cinq flics, enfin, je veux dire, l'apparition de tous ces flics, les uns derrière les autres, avec chacun sa personnalité, et on sent arriver un élément de... Enfin, ces gens qui sont censés garantir l'ordre, enfin, on sent très rapidement un élément de putréfaction, comme ça. Ça, je trouve ça absolument magistral, enfin. Mardi du cinéma. Dashiell Hammett. 1894-1961. Jean-Claude Loiseau, Jean d'Ève. Il décrit une Amérique, Vladimir Posner, que beaucoup, même d'excellents écrivains américains, ont eu peur d'écrire, que d'autres ne voyaient pas. Non, mais ou un aspect d'Amérique que son expérience de la vie lui permettait de voir. Regardez d'autres écrivains que j'ai bien connus. Dos Passos, par exemple, ou Dreyzin, qui ont aussi vu des Amériques et décrit. Pour moi, c'est quand même un des grands écrivains de ce siècle. Il n'y a pas seulement sa qualité d'écriture, c'est par exemple dans le cinéma, c'est les personnages qu'il a inventés ou créés pour les montrer, pour les porter à l'écran. C'est peut-être ça qui m'attire tellement. Lui, les gens, peut-être, est un mot trop fort. Peut-être, en certaine mesure. Je me demande ce que c'est devenu là-bas. Je suis pas retourné là depuis, quoi, quelques années. Et c'est, la ville a changé à tel point que... Le cinéma n'est plus le cinéma qu'il était, etc. Voilà. Intérieur. Studio de Hammett. Jour. Crépuscule. La pièce est remplie d'une lumière orange foncé. C'est presque le crépuscule. Hammett est en train de lire la dernière page. Il est mort de fatigue, mais content de ce qu'il a écrit. Il achève sa lecture, sourit comme peut sourire un homme fatigué, puis ramasse le reste du manuscrit et fait du tout une pile aux angles nets. Il prend dans le tiroir du bureau une enveloppe préadressée au Black Mask Magazine et ramasse le manuscrit. Il se lève, manuscrit en main, et va jusqu'à la coiffeuse pour se verser une dose de whisky. Il ôte son gilet et sa chemise et rejoint le lit, son verre à la main. Il s'allonge, appuyé sur le coude, et commence à parcourir les pages du manuscrit. Fondu. Je me demande dans quelle mesure la vérité chez Hammett n'échappe pas sans cesse. Je crois que c'est ce qui fait en grande partie son intérêt. C'est un personnage extrêmement romanesque en lui-même. Et comme les éléments dont on dispose pour le moment, bon, à la fois sont très très conséquents, parce qu'il y a des choses très très fortes, enfin bon, les Pinkerton, le McCarthyisme, je dis tout ça dans le désordre, bon, sont assez forts pour stimuler l'imaginaire, enfin, pour qu'on ait un peu envie de rêver autour de cette vie. Mais en même temps, c'est une biographie, à ma connaissance en tous les cas, extrêmement lacunaire. C'est-à-dire il y a toute une série de plages comme ça de cette vie sur lesquelles, moi personnellement, je sais pas grand-chose. Par exemple, la période hollywoodienne. Bon, j'en sais des choses parce qu'on imagine Hollywood, on a des renseignements sur Hollywood, sur la vie des scénaristes, enfin des écrivains qui se retrouvaient scénaristes et les conditions un petit peu dictatoriales dans lesquelles ils travaillaient. Mais de première main et sur d'Achille Hammett lui-même, personnellement, j'avoue, j'ignore relativement comment ça s'est passé. Jean-François Villard. Je crois pas que c'est une expérience très très heureuse. Et puis bon, il y a les différentes facettes du personnage quand même qui sont intéressantes. Bon, le côté dandy, mondain comme ça, mais en même temps complètement alcoolique, le côté homme à femme malgré tout, mais en même temps homme d'une seule femme, Hellman. En même temps, c'est qu'il était toujours relativement correct avec sa famille, avec ses enfants, à ce qu'on en sait. Le côté gentleman clodo aussi, bon, on sait qu'il est mort, très très pauvre, enfin, il a fallu utiliser sa qualité d'ancien militaire pour lui trouver une sépulture décente au cimetière d'Arlington, ce qui est d'ailleurs leur fait hurler de colère, les ligues de vertu et évidemment tous les macartistes qui traînent. Enfin bon, c'est une vie qui est constamment faite de paradoxes comme ça, soit dans le temps, soit même dans l'espace. Enfin bon, en quelques heures, ils pouvaient changer complètement de... pas d'attitude, mais enfin bon, c'est ça le côté gentleman clodo, enfin. Mais en tant qu'auteur, bon, par exemple, bon, le bouquin que Joe Gore a fait, qui s'appelle Hamet, il y a aussi cet aspect-là, un auteur de roman policier fasciné par cet homme qu'est Hamet, au point d'en faire un personnage de roman policier. Bon, ce qui est justifié pour des tas de raisons. Mais c'est aussi autre jeu de miroir, Wim Wenders avec le film, qui est lui-même tiré du bouquin de Joe Gore, etc. Bon, là, on a toute une mise en abîme des rêveries sur le personnage... Hamet, qui est quand même, avouons-le, assez fascinant. Tous deux privés. Oui, Gore était, je crois, a exercé le métier de privé pendant pas mal d'années. Donc il a une connaissance de première main, si on peut dire, de ce que fait le Continental Hop ou de ce que fait Sam Spade dans les bouquins de Dash. Comment pourriez-vous définir le Continental Operator? Il est très peu défini, hein, on sait peu de choses sur lui. Je crois que ça introduit toujours une espèce de tentation chez les auteurs de romans policiers, c'est l'anonymat de l'enquêteur. Hein. C'est-à-dire c'est la quête en soi, et c'est pas simplement la quête d'un homme avec une série de caractéristiques. Et on pourrait hasarder que le polar oscille en fait entre ces deux tentations-là. Soit le détective sans nom, il y a d'ailleurs dans la littérature policière un dénommé Nameless, enfin sans nom. Il y a vraiment l'anonyme absolu, celui qui n'est que le miroir de la société. On ne sait pas grand-chose de sa psychologie, de sa famille, de ses vices éventuels. Ou bien au contraire, le policier ou le privé, bon, archétypé, enfin, où vraiment il y a un maximum de renseignements sur ses manies, ses tics, ses vices. Bon, c'est Sherlock Holmes, même c'est aussi Nero Wolfe, des personnages comme ça, qui décentrent un peu, et ça peut être très, très, très excitant pour le lecteur, l'attention sur leur manière de voir le monde, leur manière d'appréhender la réalité sociale, leur morale, leur cas échéant, leur rapport femme, etc., etc. Et je crois que chez Dashiell Hammett, il y avait ces deux tentatives. L'aspect, c'est quand même un bonhomme très, très, très marqué. Enfin, non seulement physiquement, il le décrit en détail, mais enfin, ce type a une biographie, a des malheurs, a des amours, etc. Bon, le Continental, hop, on n'en sait strictement rien. Intérieur. Studio de Hammett. Nuit. La pièce est maintenant complètement sombre, à l'exception de la lumière atténuée d'un réverbère extérieur, filtrant à travers les rideaux jusqu'à Hammett, profondément endormi sur le lit. Une silhouette indistincte gravit l'escalier de derrière et entre dans le studio par la porte de service. Il a un manteau et un chapeau, une allure massive, trapue. Mais seule sa silhouette est visible. Passant par la cuisine et entrant dans le living room, il va jusqu'à Hammett endormi sur le lit et prend en main la pile de feuilles toute proche. Il contemple un moment Hammett endormi. L'homme, on commence à grisonner comme un blaireau, fils. Il s'éloigne du lit avec le manuscrit et tourne autour de la pièce plongé dans l'obscurité, inspectant les rayons de bibliothèque et les dessus de porte, comme s'il cherchait à découvrir quelque chose de caché. Il passe finalement derrière le bureau. Il ferme la fenêtre et les stores vénitiens. Il remarque la lampe sur le bureau. Son pied est constitué d'un oiseau noir ressemblant au faucon maltais. La lumière fait bouger Hammett dans son sommeil et il ouvre les yeux un instant, découvrant l'homme assis à son bureau. C'est Jimmy Wright. Jimmy prend le manuscrit, le feuillette, arrive à la dernière page et lit tout haut. Jimmy. Mais je n'ai encore rencontré personne qui puisse se payer le luxe de la vérité. for $100,000. So when the thief offered to sell them back for $5,000, the insurance company came to us. There was just one hitch. The thief insisted on a woman go-between. The old man suggested Sue Alabama, who worked for us a few years back. 14 juillet, Parnasse. Rebecca Poli, Maureen Ferras, regarde le film de Wim Wenders, Hamet. Her name wasn't really Sue Alabama. It was Sue something Greek and unpronounceable. But all of us called her Alabama, so she had a change back in 25. That was just after she and I took Nowhere Nickleton at the Biltmore in L.A. She primed him and I... Durant ces années, nous avions parlé en plaisantant du jour où j'écrirais un livre sur lui. Au début, je lui disais, « Parle-moi donc encore de cette jolie fille de San Francisco, l'idiote qui habitait Pine Street sur le palier en face de chez toi. » Et il se mettait à rire et répondait, « Elle habitait en face de chez moi sur le palier et elle était idiote. » Dis-moi plus long que ça, jusqu'à quel point elle te plaisait. Alors il bâillait, « Finis ton verre et va te coucher. » He needed one hand for the money and the other for the gun. He wasn't good enough to handle both. It isn't Pam Pal Morrison. Hello, Pam Pal. At least you didn't hit the money. I didn't aim at the money. I can't figure him for a can. The only thing Pam Pal ever uses is the U.S. mail. Extortion. Nous nous rencontrâmes quand j'avais 24 ans et lui 36, dans un restaurant de Hollywood. La cuite de 5 jours avait marqué son merveilleux visage et sa longue et mince silhouette semblait lasse et un peu affaissée. Nous parlâmes de T.S. Eliot, bien que je ne me souvienne plus au juste de ce que nous dîmes, mais nous allons nous asseoir dans sa voiture et nous continuâmes à parler de tout et de nous-mêmes jusqu'au lever du jour. Nous devions nous rencontrer encore une fois quelques semaines plus tard, et par la suite, à nouveau, par intervalle, durant le reste de sa vie et 30 ans de la mienne. I didn't give her an hour, of course. I didn't even give her 15 minutes. They picked her up at the Union Station with a ticket for Chicago in her bag. I was almost sorry she didn't make it. Back in 26, Sue Alabama and I nearly got married. Je suis pour l'instant assez fascinée par les premières images, puisque effectivement il y a la présence de la machine à écrire qui est permanente et qui s'intercale entre des images qui ont l'air déjà d'être une action, puisque ça commence par un crime, un meurtre, et entre les images de cette action, des images et des machines à écrire apparaissent, prises sous tous les angles, c'est-à-dire par en dessous et par le côté. D'autre part, il y a autre chose, il y a l'importance des décors et de la lumière qui est complètement artificielle, qui donne une impression un peu à la Benex, comme dans La Lune du Caniveau par exemple. La voix off également du héros rappelle les films noirs américains. On n'arrive pas très bien à voir si le héros est déjà dans l'action ou s'il commence à écrire son histoire. Une sorte de va-et-vient entre l'action et l'écriture. You remember that story. Anywhere, anytime is now, Hammond. I'm calling it in. Oui, alors après l'introduction du film, l'action en fait est décalée, puisque on revient chercher Hammett et on lui repropose de redevenir plus ou moins détective, si je comprends bien. Alors qu'apparemment, il a déjà Il a déjà commencé à écrire. Kids, a librarian downtown. We were just going out to mail this. I'll bring you back some booze. Okay, let me give you the money. De toute façon, il y a une atmosphère policière qui est en place. So where are you from? Par la musique. Baltimore, Birmingham, you name it. Les décors. I left out Biloxi. Your new story set any of those places set? Yeah, maybe. Maybe not. Sounds like Baltimore to me. Did you make a carbon? No. One of these days, you're... Is that what you wear to the library? That's what I wear underneath what I wear at the library. Never seen any before? A couple of times, maybe three. Four, counting the red-headed contortionist from Yakima. Une atmosphère de lourdeur, de chaleur, à la genre Tennessee Williams, avec l'alcool, le linge qui pend, les tramways qui passent, le sud de l'Amérique. Et on sent que, parallèlement à cette histoire d'écrivain, il y a une véritable histoire policière qui se greffe. Cops, the crooks, and the big rich, huh? Who else? Where? Look to your right and back 6 yards. I sort of like to lose it. You still know how? Yeah, I think I might remember. Corkscrew is split away. Corkscrew? Looks like I told you something after all. Il semble que les qualités d'un détective rejoignent celles d'un écrivain, c'est-à-dire l'observation. Ahmed dit qu'il continue à examiner les gens dans la rue de la même façon qu'un détective. Mais cette fois-ci, c'est pour s'en servir dans une nouvelle. Le décor est presque surréaliste. Quartier chinois de San Francisco. Des peintures très cru sur les murs. I lost my manuscript. Come on. For God's sake, let's go. Let's get out of this mess. What happened? My manuscript. Les coups de feu sont enclenchés. Ahmet et son ancien patron sont poursuivis. Wim Wenders, vous êtes intéressé beaucoup à Dashiell Hammett, qui est un personnage tout à fait fascinant, je trouve. Et j'aimerais bien que vous nous disiez comment vous avez abordé le personnage et l'œuvre de Hammett avant d'en faire un film. J'ai d'abord essayé de tout lire ce qu'il avait écrit, ce qui n'était pas facile du tout. Bien sûr, on connaît les 5 romans, mais... Le grand, comment ça se dit, the body of his work, comment dirait-on en français. Une grande partie de son œuvre a été publiée seulement dans les pulp magazines et n'a plus jamais été reproduit. Il y a quelques collections avec des nouvelles, mais il y avait beaucoup, beaucoup d'histoires que je ne connaissais pas. Et comme le film que je voulais faire était avant que Hammett était devenu connu, avant qu'il a écrit les 5 romans. Alors j'ai voulu vraiment tout connaître. Et c'était déjà presque un travail détective de trouver toutes ces nouvelles. Et en plus, bon, j'étais un peu fanatique parce que j'aimais vraiment beaucoup son style et comment ça a développé dès le début. Alors j'ai vraiment, à la fin, je suis une des rares personnes dans le monde qui peut dire que je possède l'œuvre complète. Même les journaux dont il était éditeur plus tard, pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai vraiment tout ce qu'il a écrit. Et ça m'a beaucoup aidé pour le comprendre, de suivre son chemin à travers ce qu'il avait écrit. Je crois qu'il a commencé à écrire quand il était encore détective, quand il était chez les Pinkerton, et quand il fallait faire les rapports tous les soirs, ce qui s'était passé pendant la journée. Et il a aidé aussi à ses collègues qui n'étaient pas très qui ne se débrouillait pas bien avec l'écriture. Je crois que c'est là vraiment que ça a commencé, sa carrière. Et puis il avait la tuberculose. Ahmet dit qu'un écrivain doit observer le monde comme un détective. Et on voit cela très bien dans votre film. Je crois qu'on peut aussi bien dire le contraire. Un écrivain doit observer le monde comme un détective. C'est vrai, mais aussi un détective, il doit travailler un peu comme un écrivain. Et c'était justement là-dessus, le film qu'on voulait faire, que j'ai fait, sur cette double vie d'écrivain et de détective, et comment ce qui se passait dans la réalité du détective se retrouvait plus tard dans sa fiction. C'était surtout pour ça que c'était un écrivain révolutionnaire, à mon avis, qu'il était vraiment le premier à prendre des choses vécues, des expériences, pour les décrire dans un genre qui avait été utilisé seulement pour la pure fantaisie avant. Mais vous ne trouvez pas, Wim Wenders, que la réalité vécue de Ahmet semble appliquée au rêve? Je pense par exemple au Faucon Maltais, qui a une structure très onirique. Oui, c'est vrai. On peut aussi dire, si on regarde les 5 romans, que ça devient de plus en plus onirique, pour ainsi dire. Mon préféré, c'est justement pour ça, mes préférés, c'est les 2 premiers, et mon préféré, c'est La Moisson Rouge. Et c'est vraiment ça le travail le plus profond que j'ai fait sur Ahmet, parce que c'est mon roman préféré, et j'aurais voulu qu'on puisse utiliser un bout du roman dans le film. Alors j'ai fait un travail vraiment scolaire, j'ai comparé le roman, phrase par phrase, avec la première version qui était publiée dans Black Mask, dans 4 épisodes, 2 ans avant ou 3 ans avant que le roman est sorti. Il avait écrit ça pour Black Mask Magazine en 4 portions. Et là, on voyait vraiment bien comment il travaillait. On voyait vraiment bien qu'il avait retravaillé chaque phrase, que tout ce qui n'était pas nécessaire, il était enlevé. Tous les petits mots qui remplissent plutôt les phrases, il a fait vraiment un travail de style incroyable, dont on pouvait être témoin si on comparaissait la première version pour les Pulp Magazines et la deuxième apparue chez Knopf plus tard comme roman. Vous avez réfléchi sur les raisons de son silence? Oui. J'ai longuement réfléchi là-dessus parce que à un moment donné, il y avait aussi la possibilité que peut-être le film raconterait Ahmet encore beaucoup plus tard quand il était emprisonné. Et que tout notre film serait plutôt sa mémoire de cette époque-là. On n'a pas fait ça finalement. Alors, je me suis souvent posé cette question, pourquoi il a arrêté d'écrire. Il a dit à un moment donné lui-même que c'était le moment où il s'est rendu compte qu'il avait un style qu'il ne pouvait plus écrire. Je crois que c'est surtout vrai, il a dit sérieusement. Je crois que aussi ça avait simplement à faire avec son style de vivre. Je crois aussi, et j'espère qu'on ne va pas me prendre pour un misogène là, je crois aussi que le fait qu'il n'a plus écrit a beaucoup à faire avec le fait qu'il a vécu avec une écrivaine, une femme qui était écrivain, à laquelle il a donné beaucoup, qui a pris beaucoup de lui, et qui, c'est quand même étrange, du moment quand il l'a rencontré, lui, il a arrêté d'écrire. Alors il a vécu avec une femme qui était elle écrivain et l'a beaucoup aidé, beaucoup supporté, et lui n'a plus écrit. Je crois que c'était aussi dans cette relation qu'il faut chercher peut-être un peu la raison pourquoi il s'est arrêté. En plus, il avait plein de doutes. Il voulait écrire un roman sérieux. Pendant 20 ans, il a parlé de ce roman sérieux. Il a commencé à l'écrire beaucoup plus tard. Il a écrit 20 pages. Parce qu'il souffrait un peu de cette notion qu'il était seulement un écrivain d'histoire détective. Et pas, c'était pas de la littérature. Aux États-Unis, c'est vraiment dur comment ils séparent mystery writers et écrivains. Ça, même aujourd'hui, quelqu'un comme Patricia Highsmith, elle n'est pas reconnue aux États-Unis comme écrivain. C'est une autre mystery writer, mais c'est pas regardé comme la littérature contemporaine, ce que c'est vraiment. Et avec Hammett, c'était un peu déjà ça. Ça aussi, il en souffrait beaucoup. Il souffrait qu'il y avait des gens comme Hemingway ou Faulkner qui l'admiraient, mais il n'était quand même pas reconnu comme écrivain. Oh, really? That's interesting. Well, he's probably over cookies. Come on, I'll introduce you. Well, yeah, gee, thanks, Mr. Hammond. Oui, que dire du personnage de Hammett? Il a tous les attributs d'un détective. Le pardessus, le chapeau de feutre, la cigarette, le verre d'alcool. Mais à la manière de Humphrey Bogart, on pourrait dire qu'il a sensiblement le même flegme, peut-être moins de charme. Mais une espèce de calme qui se dégage de lui. De certitude. Il semble boire beaucoup. Petite moustache sur les lèvres. Bien habillé. Moins chétif, je dirais, moins vulnérable que Humphrey Bogart. Sorry, I thought you were a fellow of mine. I used to work within the circus. Good evening. All right. Un brin d'humour. Il vient de faire croire à quelqu'un qu'il avait un pistolet dans le dos. Et quand il s'est retourné, il lui a dit qu'il l'avait pris pour un ancien copain de cirque. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est la volonté de Wenders ici d'avoir voulu vraiment créer un film dans la veine du film noir américain. There's a swell doorway across from my place and you can stand there all night long. Bring a good book. Well, you picture too creep. Your mama won't know you when I'm finished with you. See you later, kid. By the way, your paper's upside down. Le sens de l'à-propos. Il vient de dire en plaisantant à quelqu'un qu'il avait son journal à l'envers, alors que ce personnage le menaçait. Le film, pour l'instant, est assez embrouillé. Les pistes sont volontairement entremêlées. Hammett est chargé d'une enquête. Il va de bar en bar. Nobody messes with me like that. Nobody. You just made your big mistake. I'm gonna fix you, sucker. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été menacé de poursuivre cette enquête. I told you so. Try me. I lost my manuscript. I told you so. What will you do now? Write it over? I'll write a better one. Well, it's been a full evening anyway. I misplaced Jimmy Ryan somewhere along the way. Maybe he's up in your place. Ahmed semble préoccupé parce qu'il a perdu son manuscrit. Qu'est-ce qui devient le plus grave, la perte du manuscrit ou bien la recherche du meurtrier? Un flashback là éclaire la situation. Ahmed, grâce à un flashback, se remémore les paroles de son ancien patron qui lui explique qu'il lui doit tout. C'est lui qui lui a appris à observer. Et que grâce à ce don d'observation, il a pu en profiter pour devenir écrivain. Quelles sont les questions que vous êtes posées avant de faire le film sur Ahmed? Comment vous avez, par exemple, vu en vous-même le personnage de Ahmed et comment vous vouliez le voir sur un écran, ou le faire voir sur un écran? J'ai quand même essayé de le connaître le mieux possible, comme il était, bien que c'est impossible. C'était quelqu'un qui était mort depuis 30 ans. J'ai rencontré quand même des gens qui l'ont connu, qui ont décrit un peu comment il bougeait, sa façon de s'exprimer, son élégance surtout. Tout le monde a toujours dit que c'était... Ils étaient tous très impressionnés par son élégance et sa classe. Alors je voulais donner une image plutôt correcte de lui. Mon Ahmed idéal, bien que Fred Forrest était un acteur magnifique, il a fait vraiment un travail extraordinaire. Mon Ahmed idéal pendant les deux premières années que j'ai travaillé sur le projet, c'était Sam Shepard. On a tourné aussi des tests, merveilleux d'ailleurs, avec Shepard dans le rôle de Ahmed, mais le studio n'a pas accepté parce qu'il était inconnu encore à l'époque. Et on a fait des tests où, avec Sam derrière la machine, en plus c'était le seul qui savait vraiment taper à la machine. Ahmed avait fait un cours de dactylo. Il tapait avec les 10 doigts vraiment bien. Et Sam était le seul de tous mes acteurs possibles qui savait vraiment écrire la main. Mais à part ça, il aurait été vraiment génial et vraiment parfait. Un écrivain qui aurait joué le rôle. Bon, mais le studio n'a pas accepté, alors j'ai dû regarder parmi les acteurs. Et là, j'avais quand même la chance de trouver Fred Forrest qui a fait un de ses plus beaux travaux comme acteur, je crois. Personnage très silencieux, non, Ahmed? On imagine très silencieux, très retiré en lui-même. Tout à fait, bien qu'il y a aussi des témoignages que quelquefois, il avait aussi des éclats, quoi, de colère surtout, oui. Mais très silencieux aussi. C'est aussi quelque chose qui vient encore du détective, quoi. Je crois un détective professionnel, j'imagine plutôt comme quelqu'un qui, avec une énorme capacité de se contrôler, quoi. Vous avez eu l'occasion de faire des enquêtes sur lui à Hollywood, de retrouver des traces? Oui, j'ai fait mon mieux. J'ai en effet travaillé avec un détective à San Francisco. J'ai employé un détective pour trouver des gens, pour me trouver des matériaux. Et là, en effet, il a trouvé beaucoup. Il m'a trouvé un vieux barbier qui avait souvent rasé un mètre début des années 30 à San Francisco. Un vieux qui travaillait encore, qui avait 80 ans, qui se rappelait très très bien. Ça, c'était vraiment très utile. Et puis, il était à Washington, mon détective, et il m'a photocopié le dossier complet de la FBI qui avait quand même fait suivre Shadow. Pendant 10 ans ou même plus longtemps, Ahmed était surveillé. Et mon détective avait accès à ça et m'a photocopié tout le dossier. C'était à peu près 10 volumes, 10 dossiers comme ça, de la FBI sur la vie de Ahmed. Il y avait toujours quelqu'un sur son dos. Depuis le temps où on soupçonnait qu'il faisait partie de la partie communiste, il était toujours, toujours surveillé. Même quand il était malade et retiré, il y avait toujours des rapports. Toutes ses activités ont été notées. C'était assez absurde. L'État des États-Unis qui a employé beaucoup de gens pour surveiller un écrivain, quoi. Alors, mon électif, il a bien travaillé. Je l'ai connu. Il travaille toujours. Il a un grand bureau à San Francisco. Je l'ai connu justement parce qu'il était fan de Hammett. Il était né à San Francisco. Il est devenu détective, lui, par amour de Dashiell Hammett, et quand il a su que je faisais ce film, il est venu me voir. Moi, j'étais content de connaître un vrai détective, et puis il a dit, voilà, comme je suis là et comme tu fais ce film, peut-être tu peux être utile. Alors je lui ai dit, bon, trouve-moi ce que tu peux trouver. Il a trouvé pas mal de choses. La chose la plus extraordinaire qu'il a trouvée, c'était dans un bureau de dentiste downtown San Francisco, où il a trouvé dans les dossiers du dentiste qui avait le cabinet avant, le dossier sur Hammett avec ce dessin sur les dents, l'état des dents de Hammett. Alors je savais exactement quelles dents étaient tirées. Bon, ça n'a pas beaucoup servi à grand chose, mais on a trouvé des choses. There is that story. Le cliquetis amorti et le timbre grêle de la machine à écrire des filles Pirine résonnait de l'autre côté du mur. Quelque part dans le building, un moteur vibrait sourdement. Sur le bureau de Sped, une cigarette fumée dans un cendrier de cuivre rempli de mégots. De légers flocons de cendre étaient répandus sur le bois verni, le buvard vert et les papiers étalés. Par une fenêtre entrouverte, derrière un rideau beige, pénétrait un courant d'air vaguement parfumé d'ammoniac. Sur le bureau, les cendres frémissaient et se déplaçaient dans ce courant d'air. Je crois qu'il a dû arriver vers 1930, qu'il avait publié ses 3 premiers romans. Il a été, comme tous les écrivains à succès au début du sonore, il a été invité à Hollywood et puis il a fait des allers-retours, mais Hollywood est resté un peu son port d'attache au cours des années 30. Bernard Eisenschütz. C'est un peu ce qui lui a servi de gagne-pain dans toute cette période où il a commencé à souffrir de ce blocage qui finalement était définitif. Qu'est-ce qui avait poussé Hollywood à repérer Hammett? Qu'est-ce qu'ils avaient trouvé dans l'œuvre, dans les romans de Hammett, ce qui pouvait les intéresser, eux, gens du cinéma? C'est plus simple que ça. Ils avaient trouvé le succès commercial. Et à l'époque, c'était le début du sonore, le début du parlant. Personne ne savait vraiment quoi faire avec le cinéma parlant. Et on pensait que tout auteur à succès valait la peine d'être amené là pour voir ce qu'il pouvait apporter très vite. On n'a d'ailleurs jamais fait travailler Hammett sur des dialogues, ce qui aurait peut-être été la chose la plus intéressante pour lui, ce qui aurait peut-être été la chose la plus nouvelle pour le cinéma. On l'a toujours fait travailler sur la construction des films, sur des sujets. Ce qu'on appelait des sujets à l'époque, c'était plus que ce qu'on entend par sujet aujourd'hui. Ce n'était pas des synopsis de 10 ou 30 pages, c'était des sujets. C'était des récits un petit peu comme le scénario littéraire en Union soviétique. C'était des récits développés qui pouvaient être aussi longs qu'un scénario, qui n'avaient aucun aspect technique. Et c'est ce qu'il a fait pour le film de Mamoulian, City Streets. Et c'est ce qu'il a fait ensuite, plus tard, alors 5-6 années plus tard, pour les deux suites de L'Introuvable. C'est-à-dire, paradoxalement, Hammett a très très peu travaillé sur des films. Il a travaillé sur... Il a donc travaillé à la Paramount, qui avait acheté les droits de La Moisson Rouge, mais qui n'en a rien fait. Il a livré donc un sujet, ce sujet de City Streets, qui a été réalisé par Mamoulian avec Gary Cooper et Sylvia Sidney. Et puis plus tard, il a été engagé par la MGM, par Hans Stromberg, qui était un des producteurs importants à la MGM, qu'il a fait travailler comme constructeur d'histoire et comme retapeur aussi. Il a retapé ce qui était le principe même de la MGM, c'est-à-dire que deux écrivains valent mieux qu'un, donc si un écrivain donne quelque chose, qu'on mette quelqu'un d'autre dessus, ça sera encore mieux. C'est ce qu'ils ont fait avec tout le monde. Les écrivains les plus payés étaient à la Metro, parce que la Metro payait mieux, Scott Fitzgerald, etc. Ils se sont retrouvés avec très très peu de fois leur nom au générique, et généralement des interventions ponctuelles. Hammett n'a pas du tout travaillé au film qui a été tiré de L'Introuvable. En revanche, il a travaillé de très près aux deux suites de ce film. C'est-à-dire que le premier avait été adapté par une équipe de scénaristes, avec qui il s'est très bien entendu. Et ensuite, c'était des amis, c'était des gens avec qui il sortait, avec qui il buvait, à qui il empruntait de l'argent, et vice-versa. Et un an ou deux ans plus tard, quand la MGM a éprouvé le besoin d'une suite, il a écrit, alors assez en détail, cette suite qui a été mise sous forme de scénario par ce couple d'écrivains. Et la deuxième suite, donc le troisième film de la série de L'Introuvable, le premier s'appelait After the Sandman, le deuxième s'appelait Another Sandman. Et ces deux films donc, ont été écrits en détail par Hammett sous forme de sujet, c'est-à-dire sous forme de récit littéraire, enfin récit non technique en tout cas, de plus de 100 pages. Et on peut dire même que Another Sandman, qui date de 1939, est la dernière fiction importante écrite par Hammett. En 1959, les chevaliers, en lui envoyant un faucon d'or, serti de pierres précieuses. Mais des pirates s'en emparèrent. Et le destin du faucon maltais est demeuré un mystère. Jacques Monory. Ah, San Francisco. C'est très important, San Francisco. Ça, c'est beau, là, oui. Ça n'a pas bougé? Je suis passé là, c'était comme ça. On va de l'autre côté, on passe par à la prison. Maintenant, on a eu une panoramique arrière là, qui revenait sur Humphrey Bogart dans sa pièce de détective, de privé, typique, hein, avec les portes en miroir et la petite antichambre. Ah, et la femme qui vient lui proposer quelque chose, et lui qui est très content parce qu'il n'a pas beaucoup de fric. Elle est déjà dans le mensonge, hein, c'est bien. Poste restant, n'avait pas d'adresse, sans réponse, j'ai décidé de venir. Je lui écris, ai-je mal fait? Savoir si on fait mal ou bien? Ça, évidemment, on ne peut pas savoir. J'ai attendu 3 jours, rien. C'était affreux. Le départ d'une histoire de sœur qui a disparu. Ouais. Mais enfin, on se rend bien compte que l'histoire n'a aucune importance. Qu'est-ce qui est important là, c'est le bureau, c'est la femme, comme elle est habillée, ses beaux gardes sur son fauteuil, son associé qui est assis sur la table. Et tout ça crée un monde. Parce que ce qu'elle dit, en fait, elle dit rien d'intéressant, on s'en fout, quoi. Il a une femme, enfant en Angleterre. Qu'est-ce que ça veut dire en elle, en soi-même? C'est rien. Tandis que elle, son visage, elle veut dire quelque chose. Ses expressions veulent dire quelque chose. Ah, c'est presque l'apologie du film muet, ça. Mignonne, ça c'est mignon. Shot. Yeah. Dead. Now, don't get excited. Yeah. I don't. Now, you'll have to break the news to Ivor. I'd fry first. No. And keep her away from me. I don't know. That's a good girl. I get right over there. You're an angel. Bye. I'm Sam Spade, Tom Polehar's phone. Oh, I didn't know you at first there, back there. Ce fut Humphrey Bogart qui me présenta à Dashiell Hammett. J'avais 12 ans à l'époque, et je mentionne cette occasion parce que je la juge exemplaire, du fait que je partage cela avec d'innombrables autres personnes. On avait là un détective insolent avec les flics, en partie sincèrement, en partie par ruse. Il s'associait avec les truands, dans son propre intérêt et parfois dans le leur. Il couchait avec la femme de son partenaire, tombait amoureux d'une femme gangster, et puis refusait de la sauver de la police, alors qu'il aurait pu, cependant. De quel côté était-il? Était-il même d'un côté ou d'un autre à part le sien? Et quel était ce camp-là? L'affaire n'était pas seulement moralement ambiguë, mais aussi moralement complexe et énigmatique. L'impression qu'elle faisait était durable. Vous savez que chacun des romans de Hammett était construit d'une manière très très différente, en fait, partait d'un principe formel très différent. Bon, le behaviorisme dans la clé de verre, la première personne dans les deux premiers romans, dans La Moisson Rouge et dans Sang Maudit, dans le Faucon Maltese, enfin dans Le Faucon de Malte plutôt, le roman, c'est le dialogue. Et ce dialogue avait été arrangé, avait été mis au goût du jour, si on peut dire, dans les deux premières versions. La force de Houston, ça a été justement ça. Comme souvent chez Houston, ça a peut-être été cette forme de paresse qui lui faisait reconnaître que quand quelque chose était bon, il n'y avait pas de raison d'essayer de l'améliorer. Ce qu'il a fait toute sa vie et ce qui lui a valu d'ailleurs ses plus grandes réussites. Je dis ça sans aucune ironie ou presque. Et dans le cas du Faucon Maltais, on a raconté, c'était faux, je l'ai demandé, mais on a raconté qu'il avait pris les dialogues du roman, qu'il les avait mis sur un côté, qu'il avait demandé à sa secrétaire de mettre numéro 1, numéro 2, plan général, plan moyen, de mettre les indications techniques, et qu'il avait simplement gardé le roman découpé et collé sur les pages du scénario. C'est pas vrai. Il y a en fait un certain travail dans ce scénario, ne serait-ce que par l'élagage qui est nécessaire, par les ellipses, enfin bon, par la simplification indispensable pour arriver à un film d'1h40. Mais c'est quand même le film, bon, il y a cette grande fidélité, c'est le dialogue de Hammett, à l'exception de la dernière réplique, qui est empruntée à un écrivain qui n'est pas mauvais non plus, puisque c'est une réplique de Shakespeare. Et pour le reste, il y a cette force aussi du cinéma de l'époque et de Houston aussi, de trouver très simplement un acteur juste pour le rôle. Et bon, et le Faucon Maltese, c'est quand même l'arrivée de, c'est Bogart qui trouve son rythme, c'est la prose de Hammett qui trouve sa musique et Bogart qui trouve son rythme et qui trouve sa diction. Il avait déjà été comme ça, c'était déjà Bogart avant, il avait déjà été bon, mais en même temps il trouve le dialogue qui lui convient, il crée le personnage qui lui convient, et bon, ça se trouve comme ça. C'est une succession de hasards d'ailleurs, puisqu'au départ c'est George Raft qui devait faire le rôle, et que Raft, à juste titre, a refusé de faire une nouvelle version d'un film, considérant que la Warner se fichait un peu de lui, à lui faire toujours des ressuscés des succès précédents. Donc Raft a refusé, n'imaginant pas que ça pouvait être quelque chose d'intéressant. Et Bogart, qui était toujours le deuxième choix de la Warner, a pris le rôle. Thanks, lady. Sorry to spoil your day of rest. Not the first one you spoiled. Anything else? No, thanks. Bye-bye, then. C'est le fou. Oui. La jeune femme entra lentement, un peu hésitante, attachant sur Spade le regard à la fois timide et scrutateur de deux yeux bleus de cobalt. Elle était grande et mince, mais sans rien d'anguleux. La poitrine haute, les jambes longues, les attaches fines. Elle portait un ensemble en deux nuances de bleu, choisi sans doute pour faire valoir ses yeux. Elle avait, sous un chapeau bleu, des cheveux fauves, et bouclée. Ses lèvres pourpres s'entrouvraient pour un timide sourire sur des dents éclatantes de blancheur. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est le faucon, c'est les mains de Sidney Greenstreet, de Gutman. Il veut vérifier. Il veut être sûr de l'authenticité du faucon, évidemment. Évidemment, c'est un faux. All right, you've had your little joke. Now tell us about it. No, Sam, no. That's the one I got from Kevin. Oh, I swear it. You. It's you who bungled it. You and your stupid attempt to bite. Kevin found out how valuable it was. No wonder we had such an easy time stealing it. You imbecile, you bloated idiot, you stupid fathead, you... Quel est l'enjeu ici du faucon, vrai ou faux? La cupidité. Hammett, comme Houston d'ailleurs, n'avait pas une grande estime pour les hommes. Il avait été détective privé pendant des années. Et il avait une certaine ironie à l'égard de... tout ça. Mais... Yes, it's the Russian's hand, there's no doubt about it. Well, so what do you suggest? We stand here and shed tears and call each other names? Or shall we go to Istanbul? Are you going? Évidemment, la Warner a voulu faire une suite, tout de suite. Ça n'a pas marché, mais enfin, le couple Greenstreet, Peter Lorre a encore fait 7 films. Claude Chabrol, je sais que vous êtes beaucoup intéressé à Dashiell Hammett, que non seulement vous avez lu les livres, mais que peut-être vous souhaitiez le porter à l'écran. Oui, c'est-à-dire que j'ai eu une... comme beaucoup de gens, j'ai eu deux projets à mes tiens, à vrai dire. Le premier était très vague dans ma tête, c'était La Moisson Rouge, mais je ne suis pas le seul. Si mes souvenirs sont exacts, Bertolucci aussi a eu envie de le faire. Et on s'est tous les deux heurtés aux mêmes difficultés de droit, d'acceptation de la part de Lillian Hellman, qui n'était pas, comme on peut dire, une femme facile. Et j'ai eu un autre projet, alors là, qui s'est avancé un peu plus, et puis qui a disparu, et que j'ai retrouvé à la télévision, qui était Le Sang Maudit. Mais mon idée, je crois que c'est ce qui a un petit peu arrêté le producteur, c'est que je tenais absolument à avoir dans le rôle du détective de la Continentale le seul acteur qui me paraissait correspondre à peu près à son aspect physique, c'était Jack Lemmon. Et ça, ça a paru très très étrange, car j'imaginais que je ne sais pas quoi, sans doute il n'avait pas lu Hammett, parce que la description physique du Continental Hop, c'est exactement ça, enfin c'est exactement Jack Lemmon. Qu'est-ce qui vous intéressait dans La Moisson Rouge et comment voyez-vous le découpage de La Moisson Rouge? Oui, ce qui m'intéressait dans La Moisson Rouge, c'était le principe de... Enfin, le livre lui-même, je pense, est au départ composé de 3 ou 4 nouvelles que Hammett avait écrites, qu'il a complètement mixées ensuite. Et j'avais pensé faire le film de cette manière, c'est-à-dire de faire comme un film à épisode sanglant, quoi. J'avoue que j'ai plus regretté l'échec du Sang Maudit, enfin d'avoir pas pu faire Le Sang Maudit que La Moisson Rouge. Parce que La Moisson Rouge, je savais que finalement, il y a beaucoup de gens qui arriveraient à le faire très bien, si quelqu'un le faisait un jour. Alors que Sang Maudit, j'avais vraiment des idées dessus. Ce qui me plaît beaucoup dans Hammett, c'est que j'aime les gens qui sont fragiles physiquement et extraordinairement forts moralement. Alors qu'on a vu des gros balèzes se dégonfler comme des lopettes à la commission des activités anti-américaines de McCarthy et Nixon, Hammett les a envoyés sur les roses avec une violence absolument infernale qui lui a permis de faire un peu de tôle d'ailleurs. Mais ça, je trouve ça magnifique. Pas de faire de la tôle, mais d'avoir le courage. Surtout que c'était un type physiquement faible de faire ça. C'est vrai que Hammett, bon, tous ses romans sont plus ou moins politiques. C'est un type qui était réellement fortement engagé. Et je veux dire qu'on ne peut vraiment comprendre toute cette partie de son œuvre que si on analyse bien ce qu'était le Parti communiste. Américain, ce qu'est le Parti démocrate, ce qu'on appelle un libéral aux États-Unis, qui sont des choses complètement différentes. Ce sont des termes qui ne recouvrent pas les mêmes choses qu'en Europe en général et en tout cas en France en particulier. Donc je crois que toute cette partie-là nous échappe. Par exemple, dans un livre aussi complètement et purement politique que La Clé de verre, par exemple, les rapports entre Ned Beaumont et je ne me souviens plus du nom de son patron, là, enfin, ne sont compréhensibles que dans un contexte politique américain très précis. Et ça, faut savoir. Je veux dire que la date des œuvres de Hammett est très importante. Et je trouve absolument normal qu'il ait pratiquement cessé d'écrire, outre son qu'il n'en ait plus envie, mais pratiquement cessé d'écrire des ouvrages à partir de 35-36. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le New Deal a fini par mettre en place un système finalement plus proche de ce qu'il espérait que celui qui existait. Donc comme c'était une force critique et vraisemblablement pas une force apologétique, il est normal qu'il se taise partiellement. Mais j'avoue que le roman que je préfère, c'est La Clé de verre, et en particulier parce que c'est d'une complexité sans nom, et en particulier la révélation des rapports profond entre le masochisme et la fidélité, qui est une notion extrêmement puissante et vraiment neuve, parce que moi je l'ai vu nulle part ailleurs, et ça c'est vraiment très très beau dans La Clé de l'œil. Thank you. François Guéry, est-ce qu'il vous serait possible de mettre en parallèle le film La Clé de Verre et le livre La Clé de Verre? Oui, il y a eu deux versions du film de La Clé de Verre. Il y a eu une version en 1935 de Frank Tuttle avec George Raft dans le rôle principal, c'est-à-dire celui de Ned Beaumont, qui est un joueur qui aide un sénateur dans sa campagne politique. Et puis il y a eu une version de 1942, je crois, de Stuart Tessler. La version de 42 est plus intéressante que celle de 1935, d'abord parce que la couleur politique y est plus présente, et puis deuxièmement parce que l'adaptation du film de Tessler, le scénario a été écrit par Jonathan Latimer, qui lui-même est un grand écrivain de romans noirs. Bon, ce qui sépare, j'allais dire bien évidemment, pour l'époque, ce qui sépare surtout les livres des deux adaptations cinématographiques, c'est que la corruption politique, le thème de la corruption politique est plus présent dans le livre que dans le film. D'autant plus que le deuxième film, qui est la version la plus célèbre, était un véhicule pour le couple d'acteurs qui était Alan Ladd et Véronique Alec, qui formaient un couple extrêmement populaire de l'époque, qui allait tourner ensuite dans le Dahlia Bleu et qui était un couple, oui, très populaire. Alan Ladd était magnifique parce que c'était vraiment le personnage, mais tout le rapport qui m'intéressait justement entre le masochisme de Beaumont et son esprit de fidélité, enfin tout ce rapport qui est très fort dans le livre était le moins qu'on puisse dire édulcoré dans le film, enfin pas traité, enfin c'était, je veux dire que le passage à tabac de Ned Beaumont était un passage à tabac, quoi, un passage à tabac d'une grande violence. Trop long volontairement, enfin ça c'était bien, mais je veux dire il n'avait pas son sens qu'il avait dans le livre. Bon, je me souviens que c'est le personnage principal dont est Ned Beaumont, et que d'ailleurs la première scène il est en train de jouer au dé et qu'il est l'ami d'un sénateur. Je me souviens du titre, de l'explication du titre, à travers un cauchemar récurrent d'une jeune femme, je crois, qui rêve qu'elle est enfermée dans une maison où il y a plein de serpents et qu'elle n'arrive pas à sortir parce que la clé est en verre et se brise. La scène la plus célèbre de La Clé de Verre, en tous les cas, c'est incontestablement le passage à tabac de Ned Beaumont par l'homme de main sadique des gangsters qui est joué dans le film par William Maddox, qui d'ailleurs, dans la vie privée, est un grand ami d'Alan Ladd, qui joue également dans le Dahlia Bleu, qui était quand même une scène très étonnante, y compris, d'ailleurs, cette même scène était également très étonnante et très très violente dans le film de Frank Tuttle en 1935, et c'est une des scènes les plus frappantes du film, puisque Ned Beaumont est dans une espèce de chambre fermée à clé, et que toutes les deux heures, pour se passer l'humeur et l'énervement, l'homme de main rentre dans la chambre et cogne sur Ned Beaumont. Donc c'est une scène extrêmement dure. Bon, et puis ce qu'on retient de La Clé de Verre, c'est le couple, moi, que ça m'a, Alan Ladd, Véronique Alec, qui formait un couple assez romantique. En plus, je trouve que le personnage d'Alan Ladd était assez intéressant parce qu'il avait ce physique un peu fragile, j'allais dire un peu doux, et il avait dans l'attitude physique une fermeté des gestes, une diction également assez sèche qui faisait un contraste très intéressant. Il rencontre la bande dessinée de la même façon qu'il a rencontré le cinéma. Jean-Luc Cochet. Le moment où il rencontre la bande dessinée, c'est la période de la crise. Donc la bande dessinée connaît un regain d'activité, parce qu'avant on faisait des choses où on montrait justement des milliardaires, des gens, des familles heureuses, des choses comme ça. Et puis à partir des années 30, on a commencé à raconter des aventures, donc des choses distrayantes. Et puis il y a eu un gros succès, qui est Dick Tracy de Chester Gould, qui était donc l'histoire d'un flic, d'un membre du FBI, qui était également quelque chose à la mode à cette époque-là, puisque le FBI venait d'être créé. Et un grand patron de presse, qui est Randolph Hearst, a dit, il faut que dans nos journaux, il y ait un concurrent à Dick Tracy, il faut qu'il y ait un nouveau personnage. Alors, c'est pareil, on a fait appel au roi du roman policier, Dashiell Hammett, enchanté, bonjour, est-ce que vous voulez faire une bande dessinée? Oui, en quoi ça consiste? Il faut écrire des dialogues, etc. Et puis nous, on se chargera de faire la liaison avec le dessinateur. Ils ont fait un concours pour trouver un dessinateur à la hauteur. Ils ont trouvé Alex Raymond, ce qui était bien vu, parce que c'est un très grand dessinateur. Et puis, ça se passait comme ça. C'était, Hammett envoyait des dialogues, des suites dialoguées, et puis ça passait par le studio, le type avec les manches de lustrine, qui disait, ça rentre pas, ça rentre. Et puis, il envoyait la copie à Alex Raymond, qui, lui, faisait des images là-dessus. Il a fait ça environ pendant un an et demi. We've got your boy Sullivan here, and he'll be all ready to do as I say. Garrett, you haven't got a chance. Come out with your hands up. Come out with your hands up, the man says. L'agent secret X9, c'est un personnage extrêmement énigmatique. Finalement, on a l'impression, quand on voit le dessin d'Alex Raymond, de voir la concrétisation de Sam Spade, c'est-à-dire le côté anguleux du visage, un peu méphistophélique, dur. Et c'est tout le contraire, justement, de Dick Tracy. Au départ, on se demande même s'il n'est pas lui-même un gangster. C'est un personnage qui joue un double jeu, donc on ne prend pas de gants. Hammett ne prend pas de gants avec son personnage, comme d'habitude. C'est un type qui, effectivement, fait salement un sale travail. Et c'est un personnage tout à fait passionnant, parce qu'il a une densité qu'il est rare de voir dans les bandes dessinées de cette époque-là. Alors, la première bande dessinée s'appelle X9 contre le Dominateur. Oui, c'est déjà tout un programme, c'est-à-dire que c'est effectivement une espèce de génie du mal. Le génie du mal, c'est une vieille recette. C'est Fantomas, c'est Caligari, c'est le docteur Mabuse, c'est tout ce qu'on veut. Donc c'est un petit peu des ficelles, c'est vrai, du roman feuilleton, un peu simpliste. Et en même temps, quand on voit les images, quand on voit la traduction qu'on a fait Alex Raymond, on s'aperçoit que c'est vraiment un univers tout différent. C'est vraiment l'univers du roman noir et du film noir dans ce qu'on connaît. C'est-à-dire qu'il y a souvent d'un côté la haute société, et puis de l'autre côté, au contraire, les bas-fonds. On voit très bien ça dans les images de la bande. Alors ça interfère quelquefois avec des choses qui sont plus conventionnelles, du genre des pièges un petit peu, genre Fantomas, un revolver qui tire tout seul, avec une trappe secrète ou des choses comme ça. Mais pour l'essentiel, ce qu'il y a d'intéressant, ce sont les... Ça, c'est un petit peu le cinéma, c'est un petit peu le truc qu'il faut faire pour faire mousser le produit. Ce qui est toujours intéressant, c'est de voir les rapports entre les personnages eux-mêmes. Et alors là, c'est tout de suite beaucoup plus pousse au crime. Effectivement, l'univers d'Hammett, c'est un univers où on arrache des secrets sur des lignes mortes, où on est prêt absolument à toutes les trahisons. Et en même temps, il y a quelque chose qui est très très beau et très moderne, quoi qu'on pourrait penser que c'est un petit peu du machiavélisme, c'est que la trahison est admise. C'est-à-dire que... Souvent féminine. Oui, souvent féminine, quelquefois aussi. Mais alors, vraiment, quand elle est féminine, elle fait partie de la nature féminine, donc ça ne compte pas. C'est-à-dire que quand la trahison a été découverte, on dit d'accord, vous m'avez trahi, et puis on continue l'histoire. C'est une personne qui est traître, en l'occurrence on peut presque dire là c'est une femme, je crois qu'il va jusque là. On pourrait dire que la complicité commence avec la trahison. Tout à fait, on est dans le même monde, c'est ça. Vous aussi vous trahissez, enchanté, moi également, on va essayer de faire avec. C'est, on pourrait dire, c'est une vision assez saine des choses. How can you do this to me, Sam? Surely Mr. Archer wasn't so much to you. It was... Je trouve les deux premiers titres du Faucon Maltais, en tout cas au cinéma, sont très révélateurs. Dangerous Female, D'abord femelle et dangereuse, et puis Satan Met Lady aussi, une femme qui a rencontré Satan. Bien la femme en tous les cas dans le Faucon Maltais, mais pas dans La Clé de Verre. Dans le Faucon Maltais est un peu un archétype d'une héroïne de film noir, c'est-à-dire que c'est à la fois une femme extrêmement séduisante, puisque Sam Spade succombe à ses charmes. Il n'est pas le seul d'ailleurs, le premier qui succombe au charme de la femme et qui le paye de sa vie, c'est l'associé de Spade. Mais c'est également quelqu'un de très dangereux, dans le sens où c'est quelqu'un qui ment et qui est meurtrière. Donc c'est vraiment l'image de la veuve noire, j'allais dire que... Je ne sais pas si vous avez vu le film de Bam Rafelson qui s'appelle La Veuve Noire. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à ce moment-là. Et justement, oui, il parlait du Faucon Maltais, de toutes ces héroïnes de romans noirs, de films noirs, où, me disait-il, c'est toujours intéressant. Alors, c'est vrai aussi que ce sont des personnages intéressants. Alors, c'est peut-être très misogyne de dire ça, mais parce que, justement, il y a ce côté double, complètement double. Il y a une chose aussi qui est intéressante, par contre, c'est que dans ce qui n'est pas dans le film, bien sûr, c'est quand même, c'est la toute dernière scène du livre. C'est que quand il a livré donc Brigitte O'Shaughnessy à la police, la toute dernière scène du livre, il revient à son bureau et il y a sa secrétaire, Aspen, qui lui dit « tu l'as pas fait ». Et l'autre lui dit « si, je l'ai fait ». Et la fille claque la porte et lui parle plus. Bon, ça, c'est un personnage très... En tous les cas, c'est peut-être le seul commentaire moral que se permet Ahmed sur le personnage de Spade. Alors finalement, peut-être que Spade lui était pas si sympathique que ça, d'ailleurs, parce que ces dernières lignes du Faucon Maltais, c'est vrai que c'est le commentaire d'une personne qui, dans le livre, dans les rares scènes où elle apparaît, la secrétaire, est quelqu'un là de très sympathique. C'est bien le mensonge et en même temps l'amour. C'est bien. Yes, Angel, I'm going to send you over. The chances are you'll get off with life. Je vais te livrer au feu et tu auras perpétuité. Je t'attendrai. Je ne t'oublierai jamais. C'est une jolie consolation. Tu m'as fait peur. Tu es si sauvage, si imprévisible. You're taking the fall. En fait, hein, c'est très théâtral parce que tu vois, il y a plein de sentiments d'amour, de duperie, d'espoir, comme dans les pièces de théâtre bien jouées. Un peu ça. Ah, tu vois, pour moi, il parle toujours trop aussi. Killed Miles and you're going over for it. How can you do this to me, Sam? Surely Mr. Archer wasn't so much to you as... Quand elle s'effondre, alors la musique reprend doucement. Hein. Ce sont des trucs naïfs, hein. Et au fond, c'est naïf. Hein. C'est un film naïf, quelque part. Ça, c'est beau, là, l'image est très belle. C'est très simple, le profil de Bogart comme ça, elle sur le canapé qui le regarde. Bad all around, bad for every detective everywhere. You don't expect me to think that these things you're saying are sufficient reason for sending me to this. Wait till I'm through, then you can talk. I've no earthly reason to think I can trust you, and if I do this and get away with it, you'll have something on me that you can use whenever you want to. Since I've got something on you, I couldn't be sure that you wouldn't put a hole in me someday. All those are on one side. Personne n'a confiance. Les uns pour les autres. Tout à fait. Tout à fait. What have we got on the other side? La chalamette. All we've got is that maybe you love me and maybe I love you. Coincé dans un système you know whether you love où tu ne peux avoir confiance en personne. Et ta seule possibilité, c'est la distanciation. Vous semble différent de la clé de verre? Oui, il me semble différent parce que le Faucon Maltais est très fidèle au livre. C'est pas moi qui le dis, c'est même Bernard Eisenschitz qui écrivait dans son livre sur Humphrey Bogart. Et c'est John Huston qui le dit dans ses mémoires. C'est vrai que les dialogues du film Le Faucon Maltais sont les dialogues de Hammett. Bon, il y a une ou deux légères modifications, il y a la suppression d'un personnage, je crois qu'il est la fille du Fat Man, mais c'est Huston raconte que avait raconté dans les interviews qu'il avait lu Le Faucon Maltais et que d'un seul coup il avait dit mais c'est incroyable, le découpage est déjà fait, c'est-à-dire que j'ai qu'à prendre le livre et le mettre en scène. Alors de ce côté-là, puis en plus je pense que c'est vrai que Bogart était l'acteur idéal pour ce genre de dialogue. C'était parce qu'il avait cette ironie, par exemple, cet humour. Alors la différence vient peut-être de là aussi, c'est que le personnage joué par Alan Ladd ou par Georges Raft n'a pas cette ironie mordante, cette espèce d'humour qui distancie, qui est bien, je trouve, caractéristique d'Hammett et qui manque probablement à la clé de verre, à la version filmée, je veux dire. Et le film de Huston, en plus, je trouve, est une pure merveille dans tous les personnages secondaires qui sont interprétés par Peter Lorre ou Sidney Greenstreet. C'est là où le film me paraît différent. Puis en plus, le personnage est quand même aussi nettement plus dur, avec cette fameuse fin où il livre la femme qu'il aime, parce que quand on a un associé, on peut pas se permettre de laisser courir l'assassin en liberté parce que c'est mauvais pour le business. Bon, c'est quand même, et avec ce fameux plan où il emmène la fille où les flics emmènent la fille dans l'ascenseur et la grille de l'ascenseur se ferme, et c'est déjà l'image de la grille de prison qui va se refermer sur les 20 ans de prison qu'elle va faire. Bon, et je crois que l'un des derniers dialogues qu'il lui dit, c'est du genre que il l'attendra peut-être, ou peut-être qu'il aura des cauchemars en essayant de l'oublier, ou peut-être qu'il guérira. Bon, là, il y a une dureté très très étonnante quand même. Cela dit, je trouve en plus, c'est vrai que pour ce qui est des rapports sexuels entre Spade et Brigitte O'Shaughnessy, c'est nettement plus explicite dans le film de Roy Delroot, puisque le code Hays n'était pas encore été mis en vigueur et que par conséquent la censure était plus libérale. La seule chose qui est très différente, c'est que inconsciemment le physique de, je crois que c'est Ricardo Cortez qui jouait Sam Spade, le physique de l'époque, je veux dire c'était un grand type avec les cheveux un peu gominés, un peu maquillé. Bon, c'est ça qui avait vieilli, mais le film de Delroot est très très intéressant. Marvin Albert, comment comprenez-vous le silence de Dashiell Hammett? Le silence de Dashiell Hammett après le grand succès de le livre. J'ai une théorie, c'est la théorie de moi-même, parce que j'ai aussi, après le grand succès de le roman Le Thin Man et la clé de verre et de Maltese Falcon dans le film et aussi dans la radio, il gagnait trop d'argent et il commence la vie de Hollywood. Dans mon expérience dans Hollywood, parce que aussi j'ai travaillé dans Hollywood pour 3 ans et demi, et c'est une vie totalement phony. Ce n'est pas une vraie vie. C'est un mode de pensée complètement différent. C'est le de la vie de la société, de la party, la fête, de grandes copains, ce n'est pas vraiment le copain, c'est le copain d'argent, le copain de le métier, le film. Et Louis, dans cette, c'est beaucoup d'écrivains, dans cette situation, c'est impossible à penser un livre, parce que à créer un livre, c'est nécessaire la vie de l'intérieur. Ça, dans Hollywood, c'est complètement une vie extérieure. Ah, allô, allô, allô. Ah, j'écris les choses, j'écris les choses grandes, et j'écris, ah, c'est magnifique, ah, tout est magnifique. C'est comme ça, tout est magnifique dans Hollywood. Ça n'existe un autre. C'est magnifique. Et je pense à Dashiell Hammett. C'était impossible pour lui. Il a trop d'argent, ce n'est pas nécessaire à créer. Et il est dans une société complètement extériorisée. Et je pense qu'il déteste lui-même pour ce qu'il reste là. Parce que ça, il boit. Ça, c'est vraiment facile dans Hollywood. Boit. Ah, c'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce que ça ne fait rien. Ce n'est pas nécessaire. Il boit trop. Et il n'écrit après ça. Yes, sign of judgment, yes, sign of judgment, yes, sign of judgment, time ain't long. Yes, Vladimir Posner, Claude Chabrol, yes, Bernard Eisenschitz, judgment, yes, François Guérif, Wim Wenders, Jean-Luc Cochet, Jacques Monory, Hervé Delouche, Marvin Albert, Maureen Ferras, Jean-François Villard. Séquence extraite de Hamet, Le Faucon Maltais, L'Introuvable. Texte lu par Marcel Cuvelier, Philippe Bory, Rebecca Pauli. Groupe de réalisation, Jean-Paul Beaujolais, André Hautesserre, Mireille François, Marie-Dominique Bougot, Jean-Claude Loiseau, Jean Deve. Oh, Nicky, I love you because you know such lovely people. Mardi du cinéma. Dashiell Hammett. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 novembre 1987.